Amiwa Sabo Yonki tagen sis kon Mrs. Somelani Pou ki ni fini gason Yo ble jwe dezyen kon Ou, aux Etats-Unis la vi a du Tout moun bizi Travay tu pou kay la pa souf Pou regle problem la vi Si se pa mizik se travay Nou pa jom gen tan pou la kay Bagay sa yo pran toutan Pendant que n'a perdu temps, qu'un bagaille qui pi important, l'on néglige le mesdames y aurait le oh. Pas faire le même genre, pas y être tombé caressé, l'on rentre ou pas arrêté, aïe chérie ou pas même Hélène. Pas faire le même genre, pas y être tombé caressé, l'on rentre ou pas arrêté, aïe chérie ou pas même Hélène. B.I.G.G.Y. Biggie. Hugues Dobon Voix sensée tout bon Adjelit Mette Se nan kay la Pa gen tan doublé la Lante ou pa men karete Dezyem kon la kap jwe oh, Dezyem kon la kap jwe Vol se kon se la bi bon Dezyem kon la kap jwe Le chéri a mande ou pa kay la Pour passer dans la caille là Deuxième code là qu'a joué John Caprice Oh oui, catalogue pas fait gol C'est yo bon Dieu Parce que n'y a tan habitué, pas j'en tan pour n'ponche. Avant te remè, c'était mamie, c'était papi. Mais qu'on y a bagay yo changé, c'est deuxième corde qu'a joué chanté. L'amour, bagay, joué plein d'un travail, pour pas perdre du job. Ponche, ponche, ponche, ouais, ponche. L'amour, bagay, joué plein d'un travail, pour pas perdre du job. Ponche. Dans tout pays sous la terre, Wall second, c'est wall qui pi facile. Pas d'argent, pas d'exigence. We doing it for fun. Problème qui toujours posé. Depuis nous marier, nous pensons nous river. Pas gain parler, pas gain caresser.